chose a une fin quand tu fais le bilan, c'est cuit. La vie une taf, moi je me faufile entre ses cuisses. J'ai fait mon bout de chemin, j'apprends de fil en aiguille. Lorsque ma lunée, les étoiles filantes me guident. Le manque de finance m'épuise, on vit dans le mépris. C'est une évidence depuis que ces petits bâtards montent les prix. Un peu aigri, ceci explique ton sale tempérament. Ils veulent te couper l'herbe sous le pied, mais autant faire la manche. C'est spontané, on va le faire au feeling. Un truc lourd, compare ça de l'haltérophilie. Je me positionne, je connais les règles, elles sont bien définies. Petit apprécie mon grain de voix comme le grain du vinyle. C'est réfléchi, y'a pas de rime juvénile, arrête de jubiler. Autant aller faire chier un cul béni. Écartez-vous, mettez-vous tous à l'écart. Si vous le saviez pas, on arrive comme les doux salopards. Action, tout doux, mec. J'suis parti pour plier, torcher le beat, on est kiff. Car la passion nous gouverne, on se décarcasse, frère. Laissez les bâtards faire. Il faut bien qu'on cultive le silence quand nos ennemis parlent sous couvert. Leur dédicace à chaque texte agressif ou pas, j'l'accepte plutôt du genre à lui arracher les dents si la vie garde tout pour elle. Rime, j'en amasse par peine. Les livres m'arrachent par 16 et les serrures forcées. N'allez pas dire que les portes sont pas toutes ouvertes. J'suis qu'un bastard, mec. Élevé au gré de la castagne, frère. Navré si tu me vois comme un garçon toujours blême. J'rappe ma main, j'frappe mal mène. La prod, j'gratte ma feuille. Toujours autant de rage, quoi. Nous fassions pour nous-mêmes, je crache par terre. À la santé de ces gavias, t'aimes quoi? Je serais ton rappeur préféré si seulement je partage. J'aime, je suis pas d'humeur, je m'envole, t'as pas du feu. Je veux juste m'éclater et faire mon rap façon Toulouse. J'fais mon entrée sans les clés, ma plume est chiartée. Mon encre est dans mes plaies, donc appuyez replay. Sur la gueule des teutrés, on écrit R.I.P. Hypocrite, arrête et t'es fini, ton vie c'est gris. Et si ton style est rire, va te faire un lifting des idées. Pareil qu'il faut choquer, faudrait le génocide et kisser. J'prends le micro pour les refs, rien à battre de ton buzz. J'ai tellement de face que sur ta gueule, y'a marqué auto et verse. En haut de ma tulle, j'rime, j'tule, rythme. Si, si, toi tu retires tes gants sur ring. Ça c'est pas un feat, c'est un carjacking. J'veux braquer la France et me casser au Caraïbe. J'observe comme un combattant afghan. Mon cerveau tourne à l'enfer, donc j'fais mon comeback en partant. On a grandi dans le rap, all eyes on me dans le casque. J'fais ma sortie comme masse, all I need is one mic. Faut que j'sois naturel. Sa maîtrise, ils nous méprisent. On ne fait rien que des bêtises, gros Sabine Paturel. Sans ta foi avec ceux qui mettaient des pressions, sans bafouer cette liberté d'expression qu'ils caricaturèrent. On flanche dedans comme un miroir sans teint, sans réfléchir. Parle de sur s'épaissir, mon flow sanguin, ils le ligaturèrent. Les gars, tu erres sans thème, mon feeling sur toi, je m'en cogne. En roue libre quand même, un wheeling sur 300 bornes. Quand ça reflète un simple kiff, on sort tous la furie. Nourri, on fait tous des tueries tant que ça reste instinctif. On se creuse la tête pour pas trouver un simple type, manque pétrole. Une bonne instru, rien à prouver instinctif. Dimanche de colle, on le voit l'aveugle, c'est l'instinct d'animal. Et la peur qu'on avance plus un instant certainement m'a mis mal. Appris à fuir le serpent l'amigale. Ne jamais faire alliance avec le mal, c'est mon serment d'Hannibal.